La Bible David Martin 1855. Le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Or il arriva au temps d'Assuéru, qui régnait depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Il arriva, dis-je, en ce temps-là, que le roi Assuéru étant assis sur le trône de son royaume, à Susan, la ville capitale, la troisième année de son règne, il fit un festin à tous les principaux seigneurs de ses pays et à ses serviteurs, de sorte que la puissance de la Perse et de Médie, savoir, les plus grands seigneurs et les gouverneurs des provinces, étaient devant lui. Pour montrer les richesses de la gloire de son royaume, et la splendeur de l'excellence de sa grandeur, durant plusieurs jours, savoir, 180 jours. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours, dans le parvis du jardin du palais royal, à tout le peuple qui se trouva dans Susan, la ville capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les tapisseries de blanc, de vert et de pourpre tenaient avec des cordons de fin lin, et d'écarlate à des anneaux d'argent, et à des piliers de marbre, les lits étaient d'or et d'argent, sur un pavé de porphyre, de marbre, d'albâtre et de marbre tacheté. Et on donnait à boire en vaisselle d'or, qui était en diverses façons, et il y avait du vin royal en abondance, selon l'opulence du roi. Et la manière de boire fut telle qu'on l'avait ordonnée. On ne contraignait personne, car le roi avait ainsi expressément commandé à tous ses maîtres d'hôtel, de faire selon la volonté d'un chacun. Et Vasti, la reine, fit aussi un festin aux femmes dans la maison royale qui était au roi Assuéru. Or, au 7e jour, comme le roi avait le cœur gai de vin, il commanda à Méhuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carca, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuéru, qu'ils amenassent devant lui la reine Vasti, portant la couronne royale, afin de faire voir sa beauté au peuple et au seigneur, car elle était belle à voir. Mais la reine Vasti refusa de venir au commandement, que le roi lui fit faire par les eunuques, et le roi se mit en fort grande colère, et sa colère s'embrasa au-dedans de lui. Alors le roi dit aux sages qui avaient la connaissance des temps, car le roi communiqua ainsi, avec tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Et alors Carcéna, Sétar, Admata, Tarsi, Méré, Marcéna et Mémucan, 7 seigneurs de Perse et de Médie, étaient proches de lui, qui voyaient la face du roi, et ils avaient les premiers sièges dans le royaume. Qu'y a-t-il à faire selon les lois à la reine Vasti, pour n'avoir pas exécuté le commandement que le roi Assuéru lui a envoyé faire par les eunuques? Alors Mémucan parla en présence du roi et des seigneurs, disant, la reine Vasti n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les seigneurs, et contre tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuéru. Car l'action de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes, pour leur faire mépriser leur mari, quand on dira, le roi Assuéru avait commandé qu'on lui amenât la reine, et elle n'y est pas venue. Et aujourd'hui les dames de Perse et de Médie, qui auront appris la réponse de la reine, répondront ainsi à tous les seigneurs des pays du roi, et comme ce sera une marque de mépris, ce sera aussi un sujet d'emportement. Si le roi donc le trouve ainsi bon, qu'un édit royal soit publié de sa part, et qu'il soit écrit entre les ordonnances de Perse et de la Médie, et qu'il soit irrévocable, savoir, que Vasti ne vienne plus devant le roi Assuéru, et que le roi donne son royaume à sa compagne, qui sera meilleure qu'elle. Et l'édit que le roi aura fait ayant été su par tout son royaume, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes honoreront leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et cette parole plut au roi et au seigneur, et le roi fit selon la parole de Mémucan. Il envoya des lettres par toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, afin que chacun fût maître en sa maison, et cela fut publié selon la langue de chaque peuple.